comme si ma bagnole se maquillait en petit navire, comme si les murs de mon école devenaient des lignes de menhir. De tous les jours, avancer les yeux rabaissés vers la lumière d'un abat-jour, et laissez-la vous caresser, et laissez-la vous caresser. Et tous les jours on se taille, on prend le large, on met les voiles, qu'on parte porte de Versailles, au port de Brest on suit les toiles. J'ai délaissé pour un Éden sur l'océan, ceux qui m'ont vu sans sourciller, tout éclatant, foutre le camp, regardant les vagues passer, un par un les grains de monsieur, une plage de prénoms ensablés qui mourront quand je